Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut aller, c'est au Méchinois Studio 1005, boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Au Méchinois vous offre des assiettes chinoises et des menus familiales au goût de tous, dans un nouveau décor spacieux, avec un personnel courtois et respectueux et une carte de tarif qui fera l'affaire de tous les budgets. Tout le personnel de la direction souhaite à l'organisation des régates de Saint-Félicien franc succès et nous vous invitons à visiter notre page Facebook et nous contacter au 418-679-3339. Les Bleuets Fortin du 555 de 15 secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuet Fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, Bleuet Fortin aussi. Bleuet Fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini. Notre ami Daniel Fortin, c'est la chronique du club de golf de Dolbeau. Salut Daniel! Salut, oui, ça va bien Daniel. Évidemment, c'est la semaine de la relâche, c'est la fin de semaine de la fin de la construction, donc beaucoup de monde en vacances. Dis-moi, est-ce que ça a quand même été bon pour Dolbeau-Mistassini, le club de golf cette année de la Chenandage? Il y a eu une belle semaine, non? Oui, cette semaine, c'est relativement très, très bien. La semaine dernière, c'est un petit peu coussin-bizarre, on peut dire, mais dans l'ensemble de l'œuvre, cette semaine, on va récupérer un peu. Parce qu'on va profiter du mois d'août aussi là, pour se mettre, mettons, à parité avec l'année précédente. Du côté des compétitions, qu'est-ce que ça dit cette semaine? Est-ce qu'il y a eu une deuxième... Cette semaine, il y a un field day à Saint-Prime, c'est un field day régional. Là. Et puis, ça se déroule à Saint-Prime en fin de semaine. Il y a aussi à Saint-Prime, il y a une espèce de tournoi à 100$. Il y a quelques membres de Beaumont-Mistassini qui vont y participer. La semaine dernière, on a eu le tournoi du Moulin. Là. C'était vraiment un franc succès. Là. C'est l'équipe de Marco Terrien qui a remporté avec moins 24. Je suis ma deux. C'était composé de Marcel Bouchière. Puis, j'ai oublié les deux autres. Non, malheureusement, qu'en veux-tu? Mais en tout cas, c'était un bon tournoi. Bien organisé, puis la capitaine a fait un bon travail. Ça, généralement, c'est un tournoi qui roule quand même assez bien, ça. Oui, le Dumoulin, là, année après année, là, c'est toujours, ça tire, on est toujours une vingtaine d'équipes, là, grosso modo, là, de 80 joueurs qui participent à ce tournoi-là. Ça se déroule sur 54 tours. Donc, ça se déroule dans le courant de la semaine dernière, fin de semaine. Du côté junior, est-ce que nos golfeurs juniors, Christophe Péchant, entre autres, et toute l'équipe, est-ce qu'ils participent? Oui, les tournois juniors, la semaine prochaine, les séances de qualification qui auront lieu au club Saguenay d'Arvida, le lundi, mardi prochain, le 3 ou le 4, je m'abuse, donc, on a 6 golfeurs de Dolbeau qui vont participer à cette qualification-là, dans différentes catégories. Saint-Prime qui organise toute une fin de semaine, tu as dû en entendre parler. C'est quelque chose de très dynamique. C'est pas mal le fun, le skins game. Il va y avoir aussi on va jouer, je pense, une ronde à la noirceur. J'ai vu des images passer sur les médias sociaux. C'est très spectaculaire. Dolbeau-Mistassini, est-ce que c'est sur la table de organiser quelque chose de bien pour l'année prochaine, un peu à l'image de ce qui se passe à Saint-Prime? Ben, c'est sûr qu'on va essayer de regarder ce qui s'est fait avec Saint-Prime. Je sais que Saint-Prime, cette année, ils sont arrivés avec un nouveau... Très dynamique, en plus. Un nouveau directeur général. Donc, ils vont arriver des nouvelles années. Puis c'est relativement dynamique. Donc, ils essayent d'attirer une clientèle aux autres qu'ils avaient lâché un petit peu au cours des dernières années. Puis, il semblerait, la lumière des informations que j'ai eues du président, M. Kirkness, la semaine dernière, lors d'une conférence régionale à Chicoutimi, tout va bon train. Après ça, ils sont contents du fonctionnement et des opérations du club de golf Saint-Prime présentement. Donc, c'est sûr que on peut regarder ce qu'ils ont fait l'an passé, peut-être aussi recréer quelque chose de semblable pour Dolbeau-Mistassini l'an prochain. Ben Daniel, on se reparle pas la semaine prochaine, je suis en vacances. Dans deux semaines, à mes retours. Il n'y a pas de problème, Daniel. Voilà, Daniel Fortin, le président du club de golf de Dolbeau-Mistassini.